Audiomatique. C'est en reculant plus de 30 ans en arrière que les électronistes ont trouvé le point de départ de cette 57e transmission de l'émission Audiomatique. Nous entendions en effet la pièce Blue Cinema 2, composée par le projet Deform, mené par l'artiste français multidisciplinaire Philippe Fichaud. Cette composition se trouve à l'origine sur une des cassettes de Difforme publiées en 1982 sous le titre « Le plomb des cartes et la loge infernale ». Les électronistes qui sont enthousiasmés de vous accueillir à cette autre émission audiomatique avec, il faut l'avouer, un soupçon de perplexité car les rendez-vous sur les ondes hertziennes sont toujours de nature abstraite et laissent planer le mystère quant à l'identité et aux motivations de l'auditoire. Mais soyez rassurés car nos intentions, elles, ne peuvent pas être plus claires, soit de vous mettre en contact avec des créations musicales qui ont comme dénominateur commun le style électronique. Le temps qui nous est imparti ne se définit pas en heures, mais en minutes, de là l'urgence qui nous habite d'exploiter à fond les limites préétablies de la période qui englobe l'existence d'Audiomatique. Nous avons toutefois la chance de pouvoir ressusciter le passé grâce à la balado-diffusion. Vous trouverez en effet toutes nos anciennes transmissions sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou. Pour ce qui est du temps présent, le décompte se poursuit et nous laissons à Apparat le soin de donner un autre sens à la durée.

À Audiomatique, nous avons pu entendre le défunt groupe américain Hooray for Earth avec la chanson Sails de leur quatrième album True Loves. Le groupe a été fondé en 2005 et s'est dissous à la fin de l'année 2014. En tout, ils ont fait paraître 6 albums studio, dont le dernier, Racy, lancé en juin 2014. Mentionnons que l'ex-leader de la formation, Noël Héroux, continue de composer de la musique sous le pseudonyme Mass Gothic. Précédemment à Hooray for Earth, nous avions droit au duo new-yorkais The Golden Filter et la chanson Kill Me, tirée du mini-album Syndromes, qui est en fait la bande originale du court-métrage Syndromes, réalisé par le Norvégien Christopher Borgli. Et en amorce de séquence, l'artiste allemand Sascha Ring, mieux connu sous le nom de Apparat, nous présentait la chanson Ash Black Veil de son album The Devil's Walk. Nous poursuivons avec une version remixée de la pièce Mojo Roller Coaster, originalement créée par l'artiste féminine turque qui compose sous le pseudonyme de Pinar. Ce remix, c'est le projet Dissolve qui nous l'offre à l'instant. Goodbye. dysfunctional syndrome. Ever witness the symptoms firsthand? It's not something you can easily detect. It starts with a shiver, an itch, a slow boil. The biological side effects of flying deep space, feeding into paranoia. And the paranoid brain feeding the side effects. The downward spiral. Something you can easily detect. Thank you. slept the slumber so deep. C'est fou pour l'écouter. 89.1. Tout juste avant la coupure publicitaire, c'était la formation InnoFate qui nous offrait sa version de la pièce Downward Spiral, originalement composée par Piteous. Ce remix paraît sur la compilation Free Your Mind de l'étiquette de disque Mind Trick Records, qui offre d'ailleurs cette parution gratuitement sur son site Bandcamp. Pour y accéder, il s'agit d'aller sur bandcamp.com et de faire une recherche pour trouver Mind Trick Records. Et la séquence de deux pièces s'ouvrait sur la musique du projet turc Pinar, de qui nous entendions la composition Mojo Roller Coaster, remixée par Dissolved. Cette version paraît sur l'album de Pinar intitulé Spellbound Remixes. Notez que Pinar vient tout juste de sortir un album que nous aurons l'occasion d'entendre dans les prochaines semaines à Audiomatic. Audiomatic, d'ailleurs, se poursuit avec le groupe de Delta Mirror. Surprise! How could I have been so surprised? Central, Vous avez sans doute reconnu à Audiomatic la formation britannique Depeche Mode qui terminait ce court segment musical avec la pièce Behind the Wheel remixée par Vince Clarke, un des membres fondateurs de Depeche Mode, qui a quitté le groupe à la fin de l'année 1981 pour former par la suite, entre autres, les groupes Yazoo et Erasure. La version originale de la chanson « Behind the Wheel » se retrouve sur l'album « Music for the Masses » de Depeche Mode. Et pour débuter, il s'agissait du groupe américain de Delta Mirror et la pièce « He Was Worse Than the Needle He Gave You » remixée par le producteur Brendan Whitney ou, si vous préférez, Elias. Cette version est disponible sur la compilation « I Remixed » de Delta Mirror. Le projet polonais Cold Fusion assurera la conclusion de cette transmission d'Audiomatique avec la pièce Firmitas, tirée de son dernier album intitulé Architecture, paru en 2011. Nous en sommes déjà arrivés au moment où les électronistes doivent retrouver leur mutisme pour être en mesure de vous concocter la transmission 058 que nous vous présenterons mercredi prochain à compter de 17h. D'ici là, vous savez sûrement que vous avez l'opportunité d'entendre ou de réentendre nos anciennes émissions sur notre profil facebook.com/audiomatique-cfou et que vous pouvez communiquer avec nous à l'adresse audiomatique-cfou@commercial.gmail.com. Voici donc la pièce Firmitas de la formation Cold Fusion qui termine la transmission sur une note plus néoclassique et dramatique. Bonne écoute et bonne semaine.